10, 3, and 40 seconds. At the third stroke, it will be 10, 3, and 50 seconds. At the third stroke, it will be 10, 4, precisely. Salut, salut, c'est Prog à part, l'émission du rock progressif. Et c'est l'édition d'octobre 2024. On commence très très fort avec le dernier album solo de John Anderson intitulé True. De l'avis des amateurs dont je suis, c'est du pur yes. Vous me croyez pas? Eh bien écoutez, John Anderson. It's enough to stick around looking for it. It's enough to challenge it, took around. Once upon a time you were looking for it. Dance around it, tick-a-tie, tick-a-tay. Cup of sound now, trick around everything now, moving out, moving out. Once upon a time you were searching for it. Dance around it, tick-a-tie, tick-a-tay. Cup of sound now, trick around everything now, moving out, moving out. Once upon a time you were searching for. Dance around it, tick-a-tie, tick-a-tay. Tick-a-tie, tick-a-tie, tick-a-tay. Cup of sound now, took around everything now, moving out, moving out. Once upon a time you were searching for. Dance around now, tick-a-tie, tick-a-tay. Cup of sound now, took around everything now, moving out, moving out. It's enough to step around, looking for it. It's enough to challenge it, look around. the sunrise. Twice upon a dream you were the angel of your story. Twice upon a dream you were the angel of your story. Asking for the majesty to call and let you hear them, see. Storyline. like the first time you know the gift that you are free. You are free. You are free. It's enough to seek around looking for it. It's enough to challenge it to come out. Once upon a time, out of this time, 15 balls to get to the sunrise. Best of all to get there ever after. Never late to the sun time. Happiness to jump and dance to the rhythm of the cobblestone. Give it up to the bottom of the best we begin to live. Channeling your love, your love, your love, your love, your love is part of the story. To you. Once upon a time you're searching for, dance around it, tick a tie, tick a day. Cup of sound now, took around, everything now moving out, moving out. Once upon a time you're searching for, dance around it, tick a tie, tick a day. Cup of sound now, took around, everything now moving out, moving out. Oh, sister, I just Alors, eux, ils opèrent un comeback flamboyant. Je veux parler de Flame Dream. Oui, les Suisses sont de retour avec un album superbe intitulé Silent Transition. Ce sera d'ailleurs l'objet d'une interview dans le prochain Acid Dragon. En attendant, tout de suite un large extrait de ce nouvel opus. Arcanum, c'est un nouveau groupe qui nous propose un premier album intitulé Ambre. Dans cette formation officie mon camarade de lycée Michel Beria. Et on va écouter un superbe morceau. Il s'intitule J'ai effleuré la lune. J'ai effleuré la lune. Tout de suite, Arcanum. C'est une nuit sans sommeil. Notre ami lyonnais Franck Carducci revient avec un album intitulé Naked. Tout de suite, Franck Carducci. And when the night has gone, artificial paradises. Your mind is drifting away, but your eyes stand still. Do you really? On a dû lui faire des millions de fois cette blague. À Jacques, Jacques Nazaire. Non, il ne vient pas de Saint-Nazaire. Jacques Nazaire vient de Nice. Cet homme, eh bien, il a une belle carrière derrière lui. Vous pourrez le voir et le lire dans le prochain Cidragon, puisque j'étais emballé par leur démo et que je me suis empressé de faire une interview. Donc, un seul morceau pour l'instant à leur actif pour ce trio, Jacques Nazaire Trio. Mais quel morceau ? Un morceau intitulé « Moon ». Tout de suite, Jacques Nazaire Trio. Of the moon, Ça sonne pas mal comme Anglagard, ce groupe suédois. Je veux parler de All Traps on Earth. All Traps on Earth. Et c'est normal que ça sonne comme du Anglagard, puisqu'il y a des musiciens qui viennent de cette prestigieuse formation suédoise. Vous ne me croyez pas? Eh bien, écoutez un large extrait de cet album paru en 2018, intitulé A Drop of Light. Je suis prêt à parier que vous ne connaissez pas la formation italienne Jana Draca, J-A-N-A, Draca, D-R-A-K-A. Moi non plus, jusqu'à que je découvre leur premier et unique album intitulé Where the Journey Begins, Where the Journey Begins. Et quand je vous aurai dit que ça a été publié en 2019, vous saurez tout, ou presque, Jana Draca. Visions of eternity beyond space and time, a fly. far beyond existence. Light crystallizing gems, true forms of themselves. I think about my memory, trying to remember who I am. Voilà qui rappelle mes années collège. Je veux parler de Jupiter Sunset. Jupiter Sunset, une formation éphémère autour du claviériste Dominique Perrier qui a publié en 1970 un album intitulé Back to the Sun. Et d'ailleurs qui avait cartonné à l'époque avec ce hit Back to the Sun. Eh bien, ce Dominique Perrier nous a quittés en 2023 et je voulais faire un petit hommage à ce claviériste qui a notamment travaillé sur Les Mots Bleus de Christophe, qui a travaillé avec Space Art et Jean-Michel Jarre. Tout de suite donc, Jupiter Sunset. Back in Lust and Passion. Tu parles d'un nom avec un titre en plus d'album Lust in Passion et une couverture plutôt olé olé, comme aurait dit ma mère. Ils sont canadiens et ils nous produisent un album en 2023 vraiment très intéressant. Allez au-delà de ces titres, de cette couverture et écoutez Lust and Passion. tried to hide the surge I had burning inside. A thirst for lust, making love to another man. But I'm ashamed, I want to scream my fears out loud. I can't believe this ugly truth has gotten out. I love you so, I did not wish to break your heart. I love him too, but I don't know how to play this part. This crazy passion will never stop devouring me. I am at last, gonna drown myself in tears. Avec une réédition de nos amis britanniques de chez Esoteric, je veux parler de Big Sleep, un groupe de 71 éphémères qui n'a sorti qu'un seul album intitulé Blue Well, Blue Wood. C'est une formation qui émanait d'une précédente formation intitulée Eyes of Blue. Vous aurez tous les détails dans le prochain Acid Dragon. Voici donc Big Sleep. My life. there's a castle and a cinnamon lives there. When he found me, he broke my legs with his stare. Thank you. Les enfants, ouais. Eh ben c'est terminé. Oui, ben c'est très bien. Ah ouais, ça tombe très bien. Je vais aller manger un petit sucre. Oui. Allez, tenez, Tati, et à la prochaine. Thank you.